إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عمدة الأحكام، le livre à propos des hadiths, des règles de la sharia. On est toujours dans Kitab al-Salah, le chapitre de la salat et les règles de la salat, et en particulier dans les règles qui ont rapport avec al-mawaqit, bab al-mawaqit, c'est-à-dire les heures des prières. Et donc on va lire ensemble maintenant le hadith numéro 47, الحديث السابع والأربعون. عن أبي المنهال سيار بن سلمة قال: دخلت أنا وأبي وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحد الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينتفل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. Donc on va lire donc la signification de ce hadith. C'est rapporté selon Abil Minhal Sayyar ibn Salama. Il dit: je suis rentré, moi, avec mon père, chez Abi Barza al-Aslami. Et je lui ai dit, je lui ai posé la question: comment est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait les prières obligatoires, et c'est-à-dire par rapport au temps, au temps des prières. Alors il dit: kana yusalli al-hajir allati tad'unaha al-ula. Donc il priait la première prière après le zénith, au moment où il fait très chaud, jusqu'à ce que Allah musta'an, jusqu'à ce que le soleil passait le zénith, jusqu'à ce que le soleil passait le zénith, quand il commençait à basculer de l'autre côté. Le zénith, c'est le plus haut point du soleil dans le ciel à midi. Et il part, par la suite, il passe de l'autre côté. Et au zénith, quand le soleil est au zénith, c'est le moment où notre ombre, soit elle disparaît ou bien elle est le plus court de la journée. On voit pas notre ombre parce que le soleil est directement en haut de notre tête. Et quand le soleil commence à basculer de l'autre côté, alors en ce moment-là, c'est là que le moment de la prière de Dhuhr commence. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il priait le Dhuhr à ce moment-là. Et il dit, Hina tadhadu shams, lorsque le soleil commence à passer de l'autre côté, c'est-à-dire commence à dépasser le zénith. Wa yusalli al-asr. Ensuite, il priait l'asr. Et l'un d'entre nous retournait vers sa maison à la limite de Médine et le soleil était encore bien vivant, blanc dans le ciel. C'est-à-dire, on avait le temps de prier l'Asr et de retourner jusqu'à chez nous et le soleil était encore blanc dans le ciel, il n'était pas encore devenu jaune ou orange. Il dit, « ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ » في أقصى المدينة. Donc ils avaient le temps de retourner jusqu'à chez eux à la limite de Médine. Et il dit ensuite, on a oublié par la suite au sujet de Al-Maghrib. On a oublié à propos de Al-Maghrib. Après il dit, il était recommandé de retarder Al-Isha jusqu'au temps que vous appelez Al-Atama. Et Al-Atama, c'est le Cheikh il explique après, il dit yani Zulmatul Layl. حين يغيب الشفق ويمضي من الليل ثلثه. Donc c'est yani après que les lueurs du Maghreb soient disparues dans le ciel complètement et le ciel soit devenu complètement noir et que la nuit soit commencée. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait retarder le temps de l'Isha jusqu'à plus tard dans la nuit. Et il dit, il détestait dormir avant et il détestait également parler après. C'est-à-dire, il détestait dormir avant Salat al-Isha et il détestait continuer à parler après l'Isha. Et il faisait des prières surérogatoires. Quand il y a un tafilou. من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. Donc c'est pour dire que ينتفل من صلاة الغداة يعني ينصرف من صلاة الصبح. Donc il aimait partir, il quittait la prière de l'aube lorsque quelqu'un était capable de reconnaître celui qui était assis à côté de lui. C'est-à-dire lorsqu'il commençait à faire plus clair. Donc il commençait la prière au début de l'aube, puis lorsqu'il terminait la prière de l'aube, eh bien on était capable de reconnaître la personne à côté de nous. Alors qu'au début de la prière, il faisait trop noir. Donc ça c'est... après il dit qu'il récitait dans la salat de 60 à 100 versets. De 60 à 100 versets. Et ça, c'est, comme on l'a dit, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, parmi les termes qui sont mentionnés dans le hadith, Al-Maktouba, yani hiya salawat al-khams, wa yuridu al-mafrouda. Donc, parfois, pour dire la prière obligatoire, il utilise le terme Maktouba. Et Al-Maktouba, ça veut dire celles qui ont été prescrites, et c'est-à-dire celles qui sont obligatoires. Après, il dit Al-Oula, yani, quand il mentionne au début du hadith, il dit kana yusalli al-hajir allati tad'unaha al-ula. Il priait la prière de Dhuhr, les gens l'appelaient la première prière. Li'annaha awwal salatin aqamaha Jibril lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc la prière de Dhuhr, les gens l'appelaient la première prière de la journée. C'est elle qu'ils appelaient la première. Donc, si on regarde dans ce sens-là, c'est-à-dire, Dhuhr, c'est la première, Al-Asr, c'est la deuxième, Maghreb, c'est la troisième. Isha, c'est la quatrième. Et Subh, Al-Fajr, c'est la cinquième. Donc la première, c'était Al-Dhuhr. Il dit وَتَضْحَدُ الشَّمْسِ يعني تزول عن وسط السماء إلى جهة الغرب يقال دحضة يعني برحله إذا فصح بها. Donc lorsque il dit que le soleil dépasse le zénith, تضحض يعني ça veut dire dépasser le milieu du ciel et que le soleil se dirige vers le couchant, hein? Donc si on divise le ciel en deux, bon, à partir de l'aube, le soleil se lève, puis il monte jusqu'à ce qu'il arrive à son zénith, son plus haut point dans le ciel. Puis, à partir de ce zénith-là, ça c'est le salat al-dhuhr. Puis quand il dépasse le zénith, il se dirige encore vers le couchant. On appelle ça, yani on dit en arabe, tadhad al-shams. Donc elle dépasse le zénith. Il dit wa ash-shams hayya yani majaz yani abra bihi an naqa'i bayadiha wal murad bi hayatiha yani quwwat athari hararatiha wa inaratiha. Donc les Arabes, ils disent à propos du soleil, yani ils disent ash-shams hayya. Hayya, ça veut dire littéralement être vivant. Le soleil est vivant. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, en fait, c'est le soleil est vraiment blanc, hein, et qu'il est fort à ce moment-là, sa force et l'effet de sa chaleur, hein, est plus puissante à ce moment-là. Donc ils disent à propos du soleil à ce moment, Ash-shamsu hayya. Allah musta'an. Il dit Al-Atama. Al-Atama, on a mentionné tout à l'heure, yani zulmatul layl hina yaghibu ash-shafaq. Lorsque les lueurs du ciel disparaissent et que la nuit devient vraiment noire et sombre, hein, à ce moment-là, on appelle ça Al-Atama, yamdi min al-layli thuluthahu. Le tiers de la nuit est passé. Et ils appelaient la salat al-atama. Ils l'appelaient al-atama. Et ça, c'est le nom que les bédouins donnaient à la prière, ou bien à la nuit, à cette période de la nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait retarder la prière de Isha jusqu'à ce moment-là. Et il a dit dans un hadith même que si ce n'était pas trop dur pour sa umma, il aurait préféré qu'on prie toujours à ce moment-là, l'Aïcha. Mais par miséricorde pour sa Ummah, par affection pour sa Ummah, il leur a épargné de ça. Il les a épargnés de ça. Tayyib, on passe maintenant au sens général du hadith. Le Cheikh, il dit Zakara Abu Barza, awqat as-salat al-maktouba. فابتدأ بأنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي الهاجرة وهي صلاة الظهر حين تزول الشمس نحو الغروب وهذا أول وقتها ويصلي العصر ثم يرجع أحد المصلين إلى رحله في أقصى المدينة والشمس ما تزال حية وهذا أول وقتها وأما المغرب أما المغرب فقد نسي الراوي ما ورد فيها وتقدم أن دخول وقتها بعد غروب الشمس أو وقتها بغروب الشمس وتقدم أن دخول وقتها بغروب الشمس. Donc il dit ici que Abu Barza, il mentionne les temps des prières. Abu Barza, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que il explique le temps des prières obligatoires. Et donc il dit, il commence par le fait de dire que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il priait la prière de Dhuhr au moment où le soleil dépassait le zénith et se dirigeait vers yani l'Occident, ou bien disons vers le couchant. C'est-à-dire il dépasse et yani il dépasse le zénith à ce moment-là. C'est le début du temps de la prière de Dhuhr. وهذا أول وقتها. Donc c'est ça qui détermine le temps de la prière de Dhuhr. C'est pas les calculs comme les gens ils s'imaginent maintenant. Ils disent ah on a des feuilles avec les heures de prière écrites dessus. Donc ils pensent que ça c'est les calculs qui déterminent ça. C'est pas les calculs. En principe on n'a même pas besoin de calculs. On a juste à regarder le ciel. Et quand on voit que le ciel notre ombre elle est disparue, que le soleil est arrivé au zénith. On attend juste un peu que le soleil dépasse le zénith. Et puis à partir de ce moment-là, c'est, ça, c'est la prière de Dhuhr. Aussi simple que ça. On n'a pas besoin d'être un mathématicien pour connaître le début de la prière de Dhuhr. Et la prière, ensuite il dit وَهَذَا أَوَّلُ وَقْتِهَا. Ça c'est le début de son temps. Puis il dit, il priait le Asr ensuite. Et on a mentionné dans le hadith précédent que l'Asr, c'est lorsque yani, l'ombre était la longueur de la personne. Lorsque ton ombre est la même longueur que ta hauteur. À partir de ce moment-là, c'est le début de la prière de l'Asr. On l'a expliqué au dernier cours. Ensuite, il dit, quand il finissait de prier la prière de Asr, il dit, l'un d'entre nous avait le temps de retourner jusqu'à sa maison à la limite de Médine et le soleil était toujours vivant, c'est-à-dire toujours blanc et fort dans le ciel. Et ça, c'est le début de son temps. Et le temps à partir de ce moment-là. Et il dit, wa amma al maghrib. Il dit, en ce qui concerne le maghrib, le narrateur en question, il a oublié ce qui a été dit à ce sujet-là, mais on a mentionné dans le hadith précédent et dans le cours précédent que c'est lorsque le soleil se couche. Lorsque le soleil se couche et qu'il passe l'horizon, à partir de ce moment-là, c'est la prière de Maghreb qui commence. Il dit « Wa kana yastahibbu an yu'akhira al-isha li'anna waqtaha al-fadil huwa an tusalliya fi آخر وقتها المختار وكان يكره النوم قبلها خشية أن يؤخرها عن وقتها المختار أو يفوت الجماعة فيها ومخافة الاستغراق في النوم وترك صلاة الليل وكان يكره الحديث بعدها خشية التأخر عن صلاة الفجر في وقتها ou an salatiha jama'atan. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aimait qu'on retarde un peu le Isha parce que son temps préféré c'est de le prier à la fin de son temps choisi. Et il détestait qu'on dorme avant la prière de Isha parce que, il dit, il détestait qu'on dorme avant par crainte qu'on la retarde trop de son temps ou par crainte qu'on manque la jama'a ou par crainte qu'on dorme trop, qu'on s'enfonce complètement dans le sommeil puis qu'on abandonne la prière de la nuit ou qu'on délaisse la prière de la nuit. Ou que, donc c'est ça, on a mentionné. Et il dit, et il détestait aussi qu'on parle trop après la prière de Isha. Et c'est par crainte qu'on retarde, qu'on reste trop éveillé trop tard, puis que par la suite on retarde la salat de Fajr de son temps, la prière de l'aube. Ou bien qu'on retarde de la prier en groupe. Qu'on ne puisse pas la prier en groupe. Il dit وَكَانَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِ الْفَجْرِ وَالرَّجُلُ يَعْرِفُ مَنْ جَلَسَ بِجَانِبِهِ مَعَ أَنَّهُ يَقْرَأُ فِي صَلَاتِهَا مِنْ 60 آيَةٍ إِلَى 100 مِمَّا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ. Donc, comme on a expliqué au dernier cours par rapport à Salatul Fajr, la prière de l'aube, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on quittait la mosquée, après avoir fini la prière de Subh, la personne était capable de reconnaître la personne à côté de lui. Parce que le soleil s'était levé, ou bien, disons, la clarté était assez grande. Mais il y avait quand même une pénombre, un peu d'ombre. Comme on a dit au dernier cours, les femmes, elles retournaient chez elles et on ne pouvait pas les reconnaître encore à cause de la noirceur. Comme c'est mentionné dans le hadith qu'on a lu. ثم يرجعنا إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. Donc, il y avait encore un peu de ténèbres, un peu de noirceur, disons. Donc ici, il dit, l'un d'entre nous, on pouvait reconnaître celui qui était assis à côté de nous. Et le cheikh, il explique que il récitait dans sa salat de 60 à 100 versets. Et donc ça, c'est ce qui indique que il la priait dans la pénombre. Et il dit donc ensuite, parmi les points qu'on peut tirer de ce hadith, le cheikh il mentionne 9 choses. 9 points qu'on peut tirer de ce hadith. Masha'Allah. Le point numéro 1, il dit بيان أول أوقات الصلوات الخمس وأن آخر جزء من وقت أية صلاة هو أول جزء من وقت الصلاة التي بعدها ليس بين وقتيهما وقت فاصل. Donc il dit que on a expliqué le commencement ou le début de chacune des 5 prières. Et que la fin d'une prière, c'est le début de la prière suivante. Et qu'il n'y a pas de temps entre les deux qui les sépare. Lorsqu'une prière commence, c'est le début du temps de l'autre prière. Mais il y a une note de bas de page ici qui dit « Zahara lana » أن بين وقت صلاة الفجر ووقت صلاة الظهر فاصل طويل وهو وقت طلوع الشمس إلى زوالها وهو ليس من وقت الفجر ولا وقت الظهر. Donc le شارح, le شيخ البسام, il dit, il est apparent pour nous que le temps de la salat al-fajr et le temps de la salat al-dhuhr est séparé par une grande séparation. Donc, pour mentionner que, comme il a dit, qu'il n'y a pas de séparation entre les prières, puisque le début, la fin de la prière, d'une prière est le début de l'autre. Sauf pour, et il dit ici, la salat al-fajr, elle se termine avec le lever du soleil et Salat al-Dhuhr qui commence avec le zénith. Donc, entre le lever du soleil et le zénith, c'est une période où il n'y a pas de prière obligatoire. Et donc, il y a un espace entre les deux. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول وقتها عدا العشاء. Donc il dit que ça nous explique en même temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait toutes les prières au début de leur temps, à part al-Isha, qu'il aimait parfois retarder. Le troisième point, ثالثاً, إن الأفضل في العشاء التأخير إلى آخر وقتها المختار وهو نصف الليل. لكن تقيد أفضلية تأخير العشاء بعدم المشقة على المصلين كما تقدم. Donc il explique que le meilleur temps pour prier salat al-isha pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la fin de son temps choisi, c'est-à-dire la moitié de la nuit. mais il a restreint cette préférable, ce sens du fait que c'est préférable de le faire en retardant la prière de Isha. Il a restreint ce temps pour dire que c'est meilleur par le fait que à condition que ça ne devient pas trop lourd pour les gens qui prient, pour les gens qui viennent prier. Donc, si ça devient trop lourd pour les gens qui prient de la retarder, dans ce cas-là, c'est préférable de le faire plus tôt. Ensuite, le point numéro 4, karahiyatun nawm qabla salat al-isha li'an la yadhi' al-jama'a aw yuqi'aha ba'da waqtiha al-mukhtar. Donc il dit le point numéro 4, le fait qu'il est détestable de dormir avant salat al-isha pour pas perdre la jama'a, ou bien de la faire après son temps préférable. Et il dit ensuite le point numéro 5, karahatu al-hadith ba'daha li'an la yanamu an salat al-layl ou an salat al-fajr jama'atan. Walakin karahatu al-hadith ba'da al-isha la tanhasib ala muzakarat al-ilm al-nafi' ou l'ishtighal bimasalih al-muslimin. Il dit, le point numéro 5, qu'il est détestable de parler après Salat al-Isha pour pas qu'on dorme, comme si par rapport aux prières de la nuit, on ne se lève pas dans la nuit pour prier parce qu'on a trop parlé tard. Donc on a dormi, on n'était pas capable de se lever la nuit pour prier la nuit. Et ça, c'est pour ceux qui prient la nuit. Et ensuite, il dit aussi pour ne pas manquer la prière de Fajr en Jama'a. Il dit, par contre, le fait que la parole soit détestable après Salat al-Isha, ça ne comprend pas le rappel de la science bénéfique, le fait de s'asseoir pour parler de la science de l'islam, ou bien de parler des choses qui ont rapport avec les bienfaits ou les choses bénéfiques pour les musulmans. Ça, c'est le point numéro 5. Le point numéro 6, قَوْلُهُ أَلَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةِ دَلِيلٌ عَلَى كَرَاهَةِ تَسْمِيَةِ صَلَاةِ الْعِشَى بِالْعَتَمَةِ وَقَدْ جَاءَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مَرْفُوعًا لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها في كتاب الله العشاء وكان ابن عمر يغضب من هذه التسمية. Donc il disait, il explique comme point numéro 6 que il dit ça c'est la prière que vous appelez Al-Atama, et ça c'est une preuve que il est détestable de nommer la prière de Isha par le terme Al-Atama, ou d'employer le mot Atama pour désigner la prière de Isha. Puisque c'est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les bédouins ne prennent pas le dessus sur vous dans le nom de vos prières, car elle est dans le livre d'Allah, elle est appelée Al-Isha. En voulant dire que le terme Atama, c'est le terme employé par les bédouins pour désigner ce moment de la nuit. Mais pour vous, c'est-à-dire pour les gens de Médine, les gens de Médine, qui sont les musulmans de Médine, c'est, vous devez pas vous laisser, influencé par les bédouins en appelant votre prière de Isha par ce nom-là, par Al-Atama. Plutôt, vous devez l'appeler Al-Isha. Et Abdullah ibn Umar, il se fâchait lorsqu'il entendait quelqu'un appeler la prière de Isha Al-Atama. وَوَرَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ وَأَنَا الْغَضَبُ مِنَ التَّسْمِيَةِ لِلْكَرَاهَةِ فَقَطْ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا لو يعلمون ما في العتمة والفجر. Il dit qu'il a été rapporté par contre que c'est permis de le faire et que le fait de se mettre en colère par rapport à cette appellation, c'est uniquement par rapport au fait que c'est détestable, mais pas que c'est haram. Et la preuve de ça, c'est que dans Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit lui-même, لو يعلمون ما في العتمة والفجر. S'ils savaient ce qu'il y a dans Al-Atama, c'est-à-dire Al-Isha, et la prière de l'aube, Al-Fajr. Donc ça, c'est la preuve que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il a employé ce terme. Donc c'est pour dire que c'est détestable, mais ce n'est pas interdit complètement. Le point numéro 7. أن يوقع صلاة الفجر في غلس حيث ينصرف منها الرجل لا يعرف إلا من بجانبه مع أنه يقرأ في صلاتها من 60 آية إلى 100. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prie la prière de Fajr dans la pénombre. Dans la noirceur et la pénombre. Et il dit que lorsque l'un d'entre nous se levait pour quitter la mosquée, après la prière de Fajr, yani il ne pouvait reconnaître que la personne qui était assise à côté de lui. Mais il dit que malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait dans sa salat de 60 à 100 versets dans la prière de l'aube. يعني البوين نميرو 8 فضيلة تطويل القراءة في صلاة الصبح le fait qu'il est mieux hein, c'est préférable de prolonger la récitation du Coran dans la prière de Fajr, prière de Subh. Et le point numéro 9 فيه أنه ينبغي لمن سئل عن علم وهو لا يعلم أن لا يستنكف من قول لا أعلم لأن الإفتاء عن جهل قول على الله بلا علم والتوقف من العالم عما لا يعلم ليس نقصا في حقه بل شرف عظيم حيث تورع عن الخبط بلا علم وحيث تواضع ووقف عند حده من العلم. Donc ça c'est un bon rappel, le point numéro 9. Il dit ici que il faut pas que la personne quand elle est questionnée au sujet de la science et que il n'a pas de science au sujet de la chose qu'on lui a demandé, il ne doit pas il ne doit pas trouver que c'est mauvais ou que c'est rabaissant ou dénigrant de dire je ne sais pas. Parce que le fait de donner une fatwa et de parler de la religion sans science hein, et avec ignorance, c'est comme si tu parlais à propos d'Allah sans science. Donc quand tu donnes une réponse à propos de la religion sans science, c'est comme si tu parlais à propos d'Allah sans science. Et le fait que le savant s'arrête à propos de ce qu'il ne connaît pas, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de mal dans ça pour lui, il n'y a rien de rabaissant dans ça pour lui. Bien au contraire, c'est un honneur pour lui hein, de dire « je ne sais pas ». Puisque c'est la preuve qu'il a peur de parler sans science. Et c'est aussi un signe de sa modestie, du fait qu'il s'arrête à la limite de sa science. Ensuite, le cheikh il mentionne une faïda, un point bénéfique, et il dit إذا كان الحديث مكروها بعد العشاء وهو في الكلام المباح والثمر البريء فكيف حال من يحيون الليل في سماع الأغاني الخليعة ومطالعة الصحف والروايات الفاتنة الماجنة ومن فتنوا بالمناظر المخجلة والأفلام الآثمة والألعاب الملهية الصادة عن ذكر الله وعن الصلاة حتى إذا قرب الفجر وحان وقت تنزل الرحمات وهجع هجعوا فما يوقظهم من مضاجعهم إلا حر الشمس وأصوات الباعة وحركة الحياة، وقد تركوا صلاة الفجر جماعة بل ربما أضاعوها عن وقتها. وأسف شديد وغم قاتل على أناس سارت بهم الحياة على هذا المنوال البشع، وقد ولعب بهم الشيطان فصدهم عما ينفعهم إلى ما يضرهم، فهؤلاء يخشى عليهم أن يكونوا ممن نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فضرب عليهم حجاب الغفلة فلا يتذكرون إلا حين لا تنفعهم الذكرى. ما شاء الله. Donc ça c'est un bienfait, c'est un point bénéfique très important que le cheikh a rapporté ici. Il dit que le fait de parler après le salat al-isha, c'est détestable. Malgré que c'est par rapport au fait de parler dans des choses qui sont licites et qui sont innocentes. Alors que dire de l'état de la personne qui passe toute sa nuit à écouter de la musique, à lire des journaux ou à regarder des séries dans lesquelles il y a des choses honteuses, et à regarder des choses dans des films ou à jouer à des jeux toute la nuit, des choses qui obstruent ou qui empêchent de se rappeler d'Allah et de la salat, jusqu'à ce que le temps de Fajr approche, et au moment où les miséricordes d'Allah descendent, eux ils tombent endormis. Il n'y a rien qui les réveille, excepté la chaleur du soleil, et la voix des vendeurs dans la rue, et le mouvement de la vie. Et ils ont abandonné Salat al-Fajr en groupe, et peut-être même qu'ils l'ont fait sortir de son temps. Et donc ça c'est quelque chose qui est très triste et dommage. Et il dit que c'est triste de voir que des gens, leur vie est devenue de cette façon. Le shaitan a joué avec eux jusqu'à leur bloquer et leur obstruer le chemin de ce qui est bénéfique pour eux vers ce qui est nuisible. Il dit, on craint pour ces gens-là qu'ils deviennent du nombre de ceux qui ont oublié Allah. Alors Allah a fait qu'ils s'oublient eux-mêmes. Et il les a frappés d'un voile d'insouciance sur eux. Hein? Il a mis sur eux un voile d'insouciance. Et donc ils ne se souviennent pas, excepté lorsque le rappel n'a plus aucune utilité. Nasallallahu al-afiyah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera la semaine prochaine, inshallah, la suite de l'explication de ce chapitre, inshallah, dans Umdatul Ahkam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.